Le collège a été fondé sous François Ier. Le collège est absolument lié à la Renaissance. Il me semblait que une chaire au Collège de France avait pour vocation au naturel non seulement d'expérimenter, mais aussi d'écouter la façon d'expérimenter des autres. On faisait la queue pour entrer dans la petite salle numéro 8 du Collège de France, comme aujourd'hui on fait la queue pour aller au cinéma. Les cours du Collège de France par Meryl Moneghetti. Alors là, tout le monde est là, mélangé, scientifique, littéraire, philosophe, gens de toutes les langues. Enfin, et vous voyez, cette salle est remplie de souvenirs sur l'histoire du Collège de France. Voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Que se passe-t-il pour les collectifs analogistes andins à l'heure de la globalisation et lorsque les réseaux se distendent, demande Philippe Descola, et que les rites ne sont plus observés? Le chercheur enseignant, titulaire de la chaire Anthropologie de la Nature, qui dirige un laboratoire mixte du Collège de France, de l'EHESS et du CNRS, et qui a élaboré une anthropologie comparative des rapports entre humains et non-humains, achève aujourd'hui le deuxième cycle de sa série pluriannuelle intitulée « Les usages de la Terre, cosmopolitique de la territorialité ». Cette grande enquête qui nous entraîne depuis deux séries de cours dans les mondes animistes et analogistes, d'un continent à l'autre chez les prémodernes, fait le point sur les enjeux des mutations actuelles, notamment dans les mondes andins. Ici, les interrogations débouchent sur les définitions du politique pour ce chercheur engagé, dont je rappelle qu'il va présenter un colloque important à la mi-octobre au Collège de France sur les natures en question. Dans le cours d'aujourd'hui, il s'attache en particulier à deux exemples, l'Équéros, dont le monde relativement stable s'est vu bouleversé par des altérations climatiques amples et fréquentes, et dans un deuxième temps, Philippe Descola se penche sur la façon dont les membres invisibles d'un collectif peuvent être mobilisés pour lutter contre les spoliations territoriales et la dégradation des lieux, comment des collectifs qui exploitent de petites ressources minières en harmonie avec le lieu et les divinités locales résistent à l'exploitation à ciel ouvert destructrice de la montagne. Il s'agit donc d'examiner dans cet ultime cours comment les assemblages d'humains et de non-humains des collectifs analogistes andins sont en mesure de se reconfigurer face à des régimes d'encadrements administratifs, des formes d'exploitation de l'environnement, des ontologies politiques et des changements écologiques qui bouleversent leurs conditions d'existence. À l'issue de cette nouvelle stimulante analyse, il peut citer Jacques Rancière : « La politique n'est pas faite de rapports de pouvoir, elle est faite de rapports de monde ». Philippe Descola reprend les exemples abordés cette année, ceux de ce cours, mais aussi le roi sacré Mundang, qui est un sujet politique non parce qu'il exerce un maigre pouvoir, mais parce qu'il connecte fertilité de la terre et autonomie des clans. La tour de l'église de Chipaya, qui est un sujet politique parce qu'elle connecte une fois l'an deux moitiés autrement séparées avec l'ensemble des conditions qui rendent leur cohabitation possible. Enfin, Philippe Descola note, et je le cite encore, alors que l'idée de politique s'est affadie au point de ne plus désigner que des techniques de gestion des humains, l'exemple des collectifs examinés durant l'année rappelle que d'autres formes de composition des mondes sont possibles, dont on doit tenir compte afin de créer des cosmopolitiques nouvelles. Et nous gagnons l'amphithéâtre du Collège de France le 29 mars 2017 pour le cours de Philippe Descola, « Les usages de la Terre, cosmopolitique de la territorialité, aujourd'hui, les Andins face aux changements contemporains ». La question que je voudrais aborder aujourd'hui est de savoir comment évoluent ces collectifs analogistes andins, acéphales, dans le genre de Chipaya ou d'autres que nous avons évoqués lors de ce cours, comme Socaire dans le nord du Chili ou Macha en Bolivie, lorsque ces collectifs sortent de l'isolement relatif qui était le leur au moment où des ethnologues les ont décrits dans le dernier tiers du XXe siècle. Comment l'assemblage sociocosmique d'humains et de non-humains qu'il constitue peut-il se reconfigurer face à des régimes d'encadrement administratif, des formes d'exploitation de l'environnement, des ontologies politiques et des bouleversements écologiques qui transforment en profondeur leurs conditions d'existence. Mais aussi, comment les agencements analogistes traditionnels peuvent-ils être mobilisés comme des ressources pour s'opposer à la spoliation territoriale et à l'exploitation économique et contribuer en retour à construire des mobilisations cosmopolitiques alternatives aux mouvements sociaux plus classiques fondés sur les revendications d'autochtonie, les appartenances de classe ou la lutte contre la dégradation écologique. On ne sera guère surpris d'apprendre que cette mise à l'épreuve des collectifs analogistes dans la globalisation, c'est-à-dire leur rencontre au fond d'un macro-collectif dont ils découvrent soudain qu'il les englobe, cette mise à l'épreuve, elle touche au premier chef leurs usages de la terre. Non pas que les modes d'exploitation du territoire ou l'incidence des divinités locales dans les rapports à la terre se soient beaucoup modifiés. Bien au contraire, dans le monde andin, l'archipel vertical demeure dans bien des cas le modèle dominant de distribution des segments du collectif, même s'il faut maintenant y ajouter une quatrième île écologique aux trois qui constituent l'archipel vertical écologique andin classique, à savoir la ville. Quant aux non-humains invisibles, qui permettent d'enraciner ces segments dans des sites particuliers et de cimenter leur solidarité, ils sont toujours là, puissants et fantasques, quoiqu'il soit devenu beaucoup plus difficile de se concilier leur bienveillance. La transformation du rapport à la Terre, elle vient au premier chef de ce que celle-ci, entendue comme système du monde et non comme ressource agricole ou pastorale, est à présent beaucoup plus imprévisible qu'avant, qu'elle exige un surcroît d'efforts pour que ses représentants locaux, les apous, les esprits des montagnes, les divinités des wakas, coopèrent entre eux et avec les humains et qu'ils continuent de favoriser leurs actions. Je me propose d'en regarder deux exemples. L'un dans lequel l'altération des cycles climatiques et donc la modification des formes concrètes de rapport à la Terre que cette modification provoque sont imputées aux divinités locales, courroucées par le manque d'égard dont elles sont victimes. L'autre exemple montre au contraire que les mouvements de mobilisation sociale peuvent inclure ces divinités et leur faire jouer un rôle de sujet politique en accord avec la place éminente qu'elles occupent dans le maintien des rapports de bonne intelligence entre les composantes humaines et non humaines des segments, rapports qui se voient soudain compromis lorsqu'un tiers extérieur intervient, en l'occurrence les entreprises minières transnationales omniprésentes dans le monde andin. J'ai choisi pour le premier exemple, une population andine relativement isolée et quasi mythique, les Queros. Les Queros qui ont été rendus célèbres par une expédition de l'université de Cusco en 1955, qui les transforma en figure éponyme de l'authenticité autochtone et en dernier gardien, si l'on peut dire, du passé incaïque authentique, surtout après la publication du compte-rendu de l'expédition, publication en 1983, sous le titre « Quero el último Ailu Inca », le dernier Ailu Inca. Il est vrai que les Queros sont restés très isolés géographiquement. Ils sont situés à environ 200 km au nord-est de la ville de Cusco, sur le flanc oriental de la cordillère de Vilcanota, dispersés entre des villages et des hameaux, généralement situés à l'étage de la Puna, au-dessus de 4000 mètres d'altitude. Pourtant, l'éloignement des Queros ne les avait pas protégés de la rapacité néocoloniale, et au moment de l'expédition de 1955, une partie des communautés Queros résidait sur les terres d'une hacienda où ils étaient soumis à un régime d'exploitation de type féodal, puisqu'ils devaient travailler au moins une moitié de l'année au service du propriétaire pour avoir le droit de cultiver leur propre lopin de pommes de terre, un régime qui prit fin en 1964 lorsque la propriété de la terre fut transférée aux Queros. Les Queros ont suscité, depuis cette expédition de l'Université de Cusco de 1955, un intérêt constant de la part des ethnologues. Toutefois, ma source principale, aujourd'hui, sera l'enquête menée au début des années 2010 par Jeremia Cometti, un jeune ethnologue suisse, et qui a travaillé sur la perception du changement climatique par les Queros, qui est l'objet de sa thèse, publiée l'année dernière sous le titre « Lorsque le brouillard a cessé de nous écouter ». En effet, non seulement le réchauffement global provoque dans cette région une importante récession des glaciers, on a vérifié qu'environ 60% de la couverture glaciaire, ce qui est énorme, a disparu dans le massif de Vilcanota, mais le réchauffement climatique a aussi commencé à affecter durablement le régime des pluies et l'amplitude thermique, transformant ainsi les conditions de pratique de l'agriculture et de l'élevage. Et pour comprendre la nature de ces effets et la façon dont les Queros l'interprètent, il faut d'abord évidemment brièvement décrire leur système de subsistance. Les Queros, qui parlent encore majoritairement Quichua, représentent une population en fait assez faible, d'un peu moins de 2200 personnes, réparties en 5 aïlous principaux, dispersés dans plusieurs villages, chaque aïlou constituant une communauté autonome dont les effectifs varient entre un peu moins de 900 personnes et un peu moins de 300 personnes. Aïlou qui est dirigé par des autorités politiques locales selon un système mis en place par l'État péruvien suite à la réforme agraire de 1969. Ces autorités officielles, disons, sont doublé par un système plus ancien de responsabilité tournante qui est tout à fait traditionnel dans les Andes, le système des charges, des cargos, dont les fonctions qui étaient jadis politiques sont maintenant devenues essentiellement des fonctions rituelles. Donc la personnalité principale de ce système des charges, c'est le barayok, bara étant le bâton de commandement, et ses adjoints, qui sont chargés de financer et d'organiser la fête qui célèbre le changement des autorités traditionnelles et qu'on appelle le Chayampui. Les Queros perpétuent un système d'archipel vertical à l'intérieur d'un territoire dont ils ont l'usage exclusif. Et c'est un archipel qui se déploie dans son extension maximale entre le sommet du Huamanlipa, qui est à 5690 mètres et qui est en même temps l'une des divinités les plus importantes de leur panthéon, jusqu'à la forêt amazonienne, vers 600 mètres d'altitude. C'est donc un archipel très étendu, et à l'intérieur de cet espace, les Queros exploitent classiquement les trois étages écologiques dont on a déjà beaucoup parlé ici, la Puna, qui est la zone de résidence principale entre 4600 et 3800 mètres, l'étage intermédiaire qu'on appelle dans toute cette région en Quichua la Kiswa, qui se situe entre 3800 et 3200 mètres, tandis que la zone boisée et chaude de la Yunga se situe entre 2400 et 1400 mètres. Et chaque famille entretient des maisons dans chacun de ces étages, parfois plusieurs à l'intérieur d'un même étage, et mène ainsi une existence semi-nomade dictée par les cycles de transhumance du calendrier agropastoral. La partie haute de la Puna est réservée aux troupeaux d'alpaga et de lama, lesquels exigent une présence humaine continue, notamment pour repousser les attaques de prédateurs comme les pumas. Eux aussi, ils ont un archipel écologique très vaste. C'est ce qui explique cette nécessité de veiller sur les troupeaux, la résidence permanente d'au moins quelques membres de la famille à cet étage, qui est particulièrement appropriée pour l'élevage, du fait de la présence de prairies, de graminées dures comme l'itchou, qui prospèrent dans des sols qui sont à la fois bien drainés et en même temps protégés de la sécheresse par l'infiltration de l'eau des glaciers. C'est dans la partie la plus basse de la Puna, vers 3800 mètres, que les Queros cultivent la pomme de terre, et c'est une variété de pomme de terre qui s'appelle Roqui et qui est adaptée à l'altitude, mais aussi qui est employée pour faire le chuño. C'est une pomme de terre déshydratée. Dans l'étage intermédiaire de la Quiswa, les Queros cultivent plusieurs variétés de pommes de terre et des tubercules andins, et ils font pâturer quelques moutons, des bovins et des cochons, ainsi que les chevaux qu'ils utilisent pour le transport. Dans la Yunga, enfin, c'est la partie la plus basse, les Queros cultivent le maïs et des tubercules tropicaux. Une autre île écologique est apparue récemment, c'est la ville de Cusco, et où des Queros ont migré et où la plupart d'entre eux se rendent à présent régulièrement pour vendre des produits artisanaux, généralement des textiles, pour travailler dans la construction et surtout afin de pratiquer des rituels chamaniques pour lesquels ils sont particulièrement appréciés des touristes. Et de ce point de vue, les touristes qui pullulent à Cusco constituent pour les Queros une nouvelle ressource stable, prévisible et saisonnière, conçue par eux comme étant au fond de même nature que les pâturages d'altitude ou les champs de maïs. Même les familles installées à demeure à Cusco maintiennent une résidence alternée, de sorte que l'on peut maintenant inclure la ville dans le cycle de nomadisme transhumant caractéristique de l'archipel vertical. Les membres les mieux considérés du collectif Queros, ceux qui justifient la présence des humains dans les lieux qu'ils habitent et qui contribuent à leur bien-vivre, sont les Apu, les grands, les anciens en quechua, c'est-à-dire les esprits qui résident dans les montagnes. L'Apu le plus important de la région de Cusco est sans doute l'Apu Ausangate. Et il est le plus communément invoqué dans les rituels des Queros, suivi immédiatement par l'Apu Wamanlipa, qui domine leur territoire. Chacun des cinq Ailu célèbre par ailleurs des Apu mineurs qui résident dans des montagnes de leur voisinage. Les moins importants de ces Apu mineurs, appelés Aoki, habitant de simples collines. Les Apu sont donc des êtres qui protègent le monde, qui lui donnent un ordre, de sorte que, tout comme avec les Malku de Chipaya, il faut constamment travailler par le rite et par les offrandes à gagner leur bonne grâce, car leur bienveillance n'est pas acquise de façon automatique. Il arrive qu'ils deviennent indisposés à l'encontre des humains et qu'ils leur fassent sentir leur courroux. Tout comme c'est le cas également, comme on l'a vu avec les Malkous de Chipaya, les Apous sont des deux sexes. Chaque Apou masculin étant flanqué de sa nyusta, c'est-à-dire sa compagne, et se voyant en outre inséré dans une relation d'opposition avec un autre Apou proche. Les Apous sont comme les Kéros, ce sont des éleveurs. Et leurs troupeaux sont composés de renards et de vigognes, des animaux que les Kéros, les renards et les vigognes, voient comme sauvages, mais que leurs gardiens invisibles, les Apous, voient comme domestiques. C'est une belle illustration de perspectivisme analogiste, et aussi une confirmation de ce que le perspectivisme n'est pas confiné dans des populations de type animiste. Les Apous sont donc des esprits, surtout pastoraux, qui n'ont pas directement à voir avec la fertilité de la terre. Pour les Kéros, qui travaillent également la terre, la Pachamama joue un rôle tout aussi important que les Apous, c'est la terre, à la fois comme planète, comme support de vie, et c'est la terre aussi comme moyen d'existence. Elle est donc une sorte de présence immanente qui infuse tous les lieux de sa prodigieuse fécondité. Ce monde, relativement stable, relativement isolé, pendant longtemps en tout cas, s'est vu bouleversé par des aberrations climatiques qui font dire aux Kéros que le cours normal des choses est maintenant altéré. Quelles en sont les manifestations ? Les unités de temps subjectives pour juger des variations atmosphériques sont généralement l'année et la génération, et en général une combinaison des deux, quand j'étais jeune, pendant l'année, etc. Et c'est bien en référence à ces deux marqueurs que les Kéros expriment leurs appréciations climatiques. De la vie de tous, la pluie est la variable la plus déterminante. On distingue bien dans la région une saison des pluies qui va théoriquement de janvier à mars et une saison sèche qui s'étend de juin à décembre. Mais en réalité, la situation des Kéros sur le flanc est de la cordillère les expose en permanence aux vents dominants et aux entrées d'air humides qui proviennent de l'Amazonie, qui circulent d'est en ouest, de sorte qu'en situation normale, et comme le rapportent les visiteurs du milieu du siècle dernier, notamment les gens de l'expédition de Cusco, il pleut à peu près toute l'année, un peu plus pendant la saison des pluies, un peu moins pendant la saison sèche. Ça, c'est la situation normale. Or, les Kéros se plaignent à présent que par rapport à la génération de leurs grands-parents, les précipitations sont beaucoup plus intenses pendant la saison des pluies, tandis que la saison sèche est pratiquement dépourvue de pluie, avec la conséquence que les pâturages sèchent et qu'il devient difficile de nourrir les troupeaux à partir de septembre. La neige tombe aussi beaucoup plus abondante pendant la saison sèche, rendant là encore les pâturages inaccessibles et causant des pertes dans les troupeaux, surtout parmi les animaux récemment nés. Le brouillard est aussi perçu par beaucoup de Kéros comme beaucoup plus fréquent et beaucoup plus dense, ce qui rend difficile, lorsque le brouillard est épais, de réunir les troupeaux et de les protéger contre les prédateurs. Enfin, le sentiment général des Kéros est que l'amplitude thermique n'a cessé de croître, avec des températures maximales plus élevées pendant la journée et des températures minimales nocturnes beaucoup plus basses. Et donc la combinaison de ces altérations climatiques engendre des effets immédiats sur la subsistance, puisque le gel et la pluie affectent les cultures de pommes de terre, tandis que le brouillard et la neige causent directement ou indirectement une surmortalité dans les troupeaux. À cela s'ajoute un autre phénomène très visible sur lequel les Kéros n'ont pas pris, c'est qui est un phénomène sans incidence directe pour le moment sur la vie quotidienne, mais dont la progression continue, ne laisse pas de les inquiéter, c'est la fonte des glaciers, dont le recul est patent année après année. Oui, le climat dans cette région est vraiment en train de changer. Une minorité des Queros est d'avis que ces altérations climatiques sont des signes qui annoncent la fin imminente du monde. C'est une interprétation qui fait se rejoindre les prédictions apocalyptiques des églises pentecôtistes qui sont très présentes dans les Andes boliviennes, rejoindre donc avec un thème classique propre à la temporalité des collectifs analogistes qu'on retrouve dans bien des régions du monde dans ce genre de collectif, à savoir l'idée de la succession à intervalles réguliers de destruction cosmique suivie d'un renouveau. Et dans le monde andin, cette cyclicité catastrophique est connue en général sous le nom de Pachacuti. Toutefois, la majorité des Queros est plutôt d'avis que les changements climatiques sont en effet de la dégradation de leur relation avec les divinités. Comme c'est en général la règle en pareil cas, ce sont les Queros les plus âgés qui déplorent cette détérioration et qui attribuent à l'abandon des rites et des pratiques traditionnelles le courroux des Apus et les bouleversements qu'il entraîne. Par exemple, le spécialiste rituel qui avait pour fonction d'appeler le gel ou la pluie, qu'on appelait l'Arawira, a maintenant disparu. Et en collaboration avec les chamans, sa mission était de consulter les Apus et la Pachamama, d'observer les étoiles, d'observer les cycles météorologiques, de façon tout à la fois à prévoir le temps et à influer sur lui au bénéfice de la communauté. Il était nommé par les plus sages, il était un médiateur, au fond, entre les Queros, les divinités, et les phénomènes atmosphériques. De façon plus générale, la différence des Apus et de la Pachamama au sort des Queros viendrait de la quasi-disparition des grandes cérémonies collectives sous la houlette des chamans, le Yakta Ampui, guérir le village, le Papa Ampui, guérir la pomme de terre, le Sala Ampui, guérir le maïs. Mais elle viendrait aussi de ce que la majorité des chamans contemporains sont vus par les Queros comme des charlatans, des amateurs, tout juste bons à soutirer de l'argent aux touristes crédules et bien incapables de communiquer réellement avec les divinités du lieu pour obtenir leur concours dans les activités de subsistance. Alors il faut s'attarder un moment sur la nature des liens que les Queros entretiennent avec les divinités de la terre pour mieux comprendre ce qui se passe quand ces liens se distendent. Le terme qui est en quechua revient le plus régulièrement dans la bouche des Queros pour désigner la relation qu'ils s'efforcent de tisser avec les occupants non humains du monde est Aini, A-Y-N-I. Aini que l'on peut traduire par réciprocité. C'est à la fois un état d'esprit et un devoir qui s'applique évidemment au rapport de solidarité que les humains doivent maintenir entre eux, mais qui qualifie aussi la philosophie de l'échange réputée gouverner les rapports entre tous les êtres animés. Elle concerne au premier chef les offrandes, appelées des spachos, que les Queros font aux esprits Apus et à la Pachamama. Ces offrandes, ces despachos sont surtout composées de nourriture, de coca et d'alcool. Et elles sont conçues comme un retour pour ce que les humains ont reçu grâce à l'intervention de ces divinités. Et ce mouvement d'échange connaît deux temps forts, qui sont la fête du Falchai, qui se déroule pendant le carnaval, et les cérémonies du 1er août. La fête du Falchai, appelée ainsi en référence au nom d'une gentiane qui éclot au début du mois de février, célèbre surtout la fertilité des alpagas et des lamas. Les cérémonies du 1er août sont plus particulièrement destinées à favoriser l'agriculture. La tradition veut en effet que la Pachamama se réveille à cette date, ce qui est l'occasion de lui faire des offrandes, des despachos, ainsi qu'aux apus. Les chamans invitent les esprits à boire de l'alcool avec eux. Ils mélangent parfois l'alcool avec de la terre, de façon à l'ingérer ensuite, à ingérer matériellement ce que l'on pourrait appeler le génie du lieu, et incorporer ainsi l'assistance et la collaboration que les divinités de la terre et des montagnes leur dispensent. Ce jour-là, certains kéros montent aussi jusqu'à un lac glaciaire au pied de Lausangate, mais ils sont de moins en moins nombreux à le faire. Et comme le dit un informateur de Cometti à cette occasion, je le cite, « Si tu vas aujourd'hui, c'est donc le 1er août, le jour où les gens se rendent auprès de ce lac, si tu vas aujourd'hui à Cusco, tu y trouveras des dizaines de chamans kéros. Au lieu d'être ici à honorer l'apu Ausangate, ils préfèrent se faire de l'argent avec les touristes. » Collège de France et France Culture vous présentent l'anthropologue Philippe Descola, les usages de la terre, cosmopolitique de la territorialité, aujourd'hui, les Andins face aux changements contemporains. La réciprocité, Aini, n'est pas seulement ce qui devrait régir les relations entre humains et les relations des humains avec les divinités, elle est aussi caractéristique des rapports avec les plantes et les animaux et des rapports de ceux-ci entre eux. Ainsi, par exemple, il faut respecter des règles dans la culture et la préparation de la pomme de terre, comme par exemple de soigneusement séparer, lorsqu'on les pèle, les peaux vivantes, c'est-à-dire crues, des peaux mortes, c'est-à-dire cuites, en échange de quoi, les traitements et la considération qu'on porte aux pommes de terre, elles poussent en abondance et se laissent manger. Les peaux crues, elles sont encore imbues de sami, qui est la force vitale, et elles n'aiment pas voisiner avec les peaux cuites qui l'ont perdue. Mais évidemment, c'est dans le rapport avec les animaux d'élevage, au premier chef les alpagas et les lamas, que la réciprocité est la plus décisive. Par exemple, lorsqu'on tue un animal pour un sacrifice qui est généralement le plus beau du troupeau, que chaque chef de famille sélectionne dans son troupeau, les kéros lui donnent à boire de la chicha, de la bière de maïs, et lui expliquent que sa participation à la festivité est nécessaire. Puis il danse avec sa peau encore ensanglantée afin d'intérioriser la souffrance qu'il a ressentie. Et de fait, tous les êtres individualisés, les humains, les animaux, les plantes, mais aussi les pierres, le brouillard ou les rivières, sont vus comme animés par cette force vitale appelée Sami. Et les rites nombreux auxquels s'adonnent les kéros ont tous pour fonction, en dernière instance, de faire circuler le Sami. Dans le cas du sacrifice de l'alpaga, le kalpa, c'est-à-dire l'intensité de l'échange de sami, est dit tellement forte que la réciprocité avec l'animal est complète. Alors, il ne s'agit pourtant pas d'un rapport interpersonnel, auquel cas on serait en régime animiste, c'est-à-dire d'un rapport d'un individu humain avec un individu non humain, chacun doté d'une intériorité spécifique. Il s'agit d'une relation entre un humain et ce que l'on pourrait appeler l'esprit collectif de l'espèce. Donc c'est un destinataire, pluralisé, à qui les rites de transfert de force vitale sont destinés. Or, beaucoup de kéros déplorent que cette circulation de réciprocité soit sur le déclin, faute d'être entretenue par les rites, de sorte que les divinités, indisposées de ce que l'on ne fasse plus appel à elles, ont cessé de collaborer avec les humains pour que le cycle des saisons se perpétue, pour que les lieux que les kéros partagent avec des non-humains continuent de leur être accueillants. Comme le dit un apu, l'apu Carvajal, parce que les apus peuvent parler par l'intermédiaire de chamans qui les font parler, et là c'est à travers la bouche d'une chamane, une femme. Donc je cite l'apu Carvajal parlant par la bouche de cette chamane. Les kéros se divisent en 1000 fragments. Les gens oublient qu'ils sont les fils de la terre, qu'ils ont été élevés par elle. Ils oublient de perpétuer la relation d'aini, donc de réciprocité, avec la Pachamama et les apus. Alors notons cette remarque. Les kéros se divisent en 1000 fragments. C'est-à-dire qu'au fond, c'est dissoute la prééminence du tout sur les parties, humaines et non humaines, qui composent ce tout, et que l'ensemble des segments, qui sont à la fois antagoniques et complémentaires, tendent à se décomposer en individus détachés de toute assise, puisque le réseau des divinités, grandes et petites, qui assure cette assise, a commencé de dériver loin des humains pour bientôt ne plus se perpétuer que comme une sorte de vestige folklorique ou comme un tissu de superstition combattu par les églises pentecôtistes. Le constat est amer pour les quelques kéros qui continuent à voir dans leur divinité les compagnons invisibles avec lesquels ils ont partagé leur terre et qui leur ont longtemps permis d'en tirer leur subsistance. Il devrait être plus amer encore pour nous qui voyons des peuples imputés à la dissolution des rapports de solidarité innervant leur cosmopolitique, imputer la responsabilité de la dégradation climatique qui en réalité nous échoit au premier chef du fait de notre insatiable cannibalisme énergétique. Heureusement, il existe aussi dans les Andes bien des cas où les membres invisibles du collectif peuvent être mobilisés de façon combative pour lutter contre les spoliations territoriales et contre la dégradation des lieux. Dans un article publié dans Current Anthropology, Marisol de la Cadena en donne un exemple éloquent lorsqu'elle analyse une manifestation qui s'est déroulée en décembre 2006 sur la place principale de Cusco, la Plaza de Armas. Une manifestation qui s'était réunie contre un projet minier affectant une montagne. Les manifestants venaient pour l'essentiel des villages indigènes situés sur les flancs de la chaîne de l'Ausangate, dans cette cordillère dont on a vu qu'elle est tenue par tous les Amérindiens de la région de Cusco comme la divinité la plus importante, celle dont l'action négative comme positive est la plus décisive dans la vie des gens. Alors les manifestants, ils protestaient contre le projet de concéder des droits d'exploitation à une entreprise minière sur un mont qu'on appelle le mont Sinacara, qui est l'un des pics de la cordillère de l'Ausangate et qui abrite aussi un sanctuaire érigé au pied d'un glacier où se déroule tous les ans au mois de mai un pèlerinage immensément populaire dans les Andes péruviennes qu'on appelle le Coyuriti et qui commémore l'apparition miraculeuse de Jésus à un jeune berger d'Alpaga. Et au-delà du pèlerinage qui est commun à tous et que des chercheurs interprètent d'ailleurs comme la transcription en termes chrétiens d'un culte autochtone plus ancien, certaines communautés réalisent aussi durant ce pèlerinage du Coyuriti des rituels qui leur sont propres. Donc on conçoit que le projet d'implanter une mine dans ce site sacré entre tous ait pu provoquer un grand trouble. Et la nature de ce trouble, il se laissait deviner au fait que les motivations des manifestants semblaient très diverses. Tandis que certains manifestants arboraient les calicots classiques des mobilisations écologiques, non à la mine, non à la destruction de l'environnement, protégeons notre patrimoine, etc., d'autres déployaient les bannières du pèlerinage du Coyuriti, tandis que les danseurs rituels du pèlerinage, avec leurs costumes caractéristiques, se déplaçaient au milieu de la foule. Et l'interprétation de cette diversité transparaît dans les propos d'un informateur de Marisol de la Cadena, un chaman quechua, monolingue, habitant le village de Pachanta au pied de Lausangate. Selon lui, les communautés indigènes de Lausangate s'opposaient au projet parce que la mine affecterait les pâturages d'altitude fréquentés par leurs alpagas et par leurs moutons, mais aussi et surtout parce que Lausangate, donc la poule suprême de la région, ne tolérerait pas que le mont Sinakara soit attaqué, ce qui le conduirait à se venger en tuant des gens. Un autre informateur de Marisol de la Cadena, quechua lui aussi, mais bilingue et titulaire d'un diplôme de l'université de Cusco, maire du village de Congate, donc le principal village dans le district duquel sont situés le mont Sinakara et le sanctuaire du Coyuriti, lui développait l'argument que la mine aurait un impact négatif sur le tourisme, mais aussi et surtout que si les montagnes, qu'il nommait les unes après les autres, n'obtiennent pas le respect qui leur est dû, elles sont la cause d'accidents imprévus, de sorte qu'il était de sa responsabilité à lui, comme maire, d'empêcher que de tels accidents surviennent. Donc on notera, dans le cas présent, que les gens de Lausangate ne s'opposent pas à l'extraction minière en soi. C'est une activité qui a été pratiquée de longue date, à une petite échelle par les paysans andins, et qui continue de l'être en certaines régions. En contexte traditionnel, il s'agit de suivre des veines de minerais en creusant des petites galeries à la dynamite et à la baramine. Et c'est une opération dangereuse, évidemment, non seulement en raison des éboulements, mais aussi en raison de la susceptibilité des esprits des entrailles de la terre, ce qu'on appelle les diablos dans une grande partie de la région andine, ou le tío, comme on l'appelle dans la région de Potosí, en Bolivie. Et cette susceptibilité des esprits de la terre doit être apaisée par des offrandes et par une conduite respectueuse. Dans la montagne aussi, donc, il faut tâcher de vivre en bonne intelligence avec des puissances ordinairement invisibles à qui l'on doit témoigner du respect. Mais les techniques minières des multinationales sont bien différentes. Elles pratiquent l'extraction à ciel ouvert, par décapages successifs, lesquels aboutissent assez vite à la destruction complète de la montagne. Et donc, tandis que l'exploitation par des tunnels maintient les relations, pour difficiles qu'elles puissent être, avec les êtres qui peuplent l'intérieur de la montagne, l'exploitation à ciel ouvert fait disparaître ces êtres en même temps que l'abri qui les contient. Donc ce n'est plus seulement une dégradation environnementale majeure, c'est une sorte de destruction socio-cosmique dont se rendent coupables les compagnies minières. Et la manifestation sur la place centrale de Cusco reflétait cet état de fait. Voilà donc des montagnes et leurs habitants invisibles et puissants, explicitement transformés en sujets politiques et mobilisés par une autre partie du collectif, les humains, dans des combats contre l'agression dont ils pourraient devenir victimes, agression dont les conséquences n'affecteraient pas uniquement les montagnes elles-mêmes, bien sûr, mais l'ensemble des éléments humains et non humains dont le collectif est composé. Donc, le statut ontologique de cette montagne, il est très instable, il est circonstanciel. C'est un apu, c'est une montagne sacrée, c'est une ressource, c'est un abri pour des esprits maléfiques, et aucune de ces stabilisations provisoires, sous l'un ou l'autre de leurs avatars, lors des affrontements autour de la mine, ne dévoile une dimension qui serait plus vraie ou plus authentique qu'une autre. Elle révèle simplement une autre façon pour cette montagne de devenir un sujet politique en coalescence avec d'autres agents politiques, à chaque fois distincts, car à chaque fois mobilisés, coalisés dans un collectif dont le contenu, dont la composition est différent. Alors, le Marisol de la Cadena, empruntant un terme à la monographie de Catherine Allen sur une communauté qui est non loin de Cusco, la communauté de Sonco, propose d'appeler ces entités humaines, comme le Sangate et comme tous ces êtres des lieux, de ces divinités des lieux, des Tiracuna. Tiracuna, c'est un mot hybride qui est composé de l'espagnol tierra et du suffixe pluralisant quechua, kuna, et qu'elle traduit, Marisol de la Cadena, en anglais par earth beings, c'est-à-dire des êtres de la terre. Et la cosmopolitique des collectifs analogistes andins réintègre donc maintenant les êtres de la terre dans sa pratique, et à la stupéfaction tant de la gauche léniniste péruvienne que des modernisateurs de droite et de gauche, elle confère cette cosmopolitique à ces êtres une position éminente dans les combats que les communautés autochtones mènent contre le modèle de développement néolibéral que l'État entend promouvoir. Alors c'est seulement depuis une dizaine d'années que des analystes découvrent que la cosmopolitique des collectifs andins, telle qu'elle s'exprime dans les luttes contre, en particulier, l'exploitation minière, ne correspond guère au modèle classique des mouvements sociaux paysans animés par le désir de récupérer des terres et de combattre l'injustice des rapports marchands ou par des revendications, disons, d'autochtonie et d'autonomie culturelle. Et pourtant, l'hybridité de cette cosmopolitique, c'est-à-dire la combinaison qu'elle opère entre des objectifs concernant, en apparence, le seul bien-être des humains et, d'autre part, la volonté de transformer en sujet politique un grand nombre des membres non humains du collectif, cette hybridité, elle était déjà présente dans les luttes très dures des années 1960 qui ont mis aux prises dans toute la région andine des grands propriétaires terriens soutenus par les forces répressives des États et puis des communautés indigènes désireuses d'accéder à la terre et que leurs alliés de la gauche marxiste-léniniste urbaine voyaient comme des paysans révolutionnaires. L'un des informateurs de Marisol de la Cadena en offre un bon exemple. Il s'appelle Mariano Tulpo. C'est un homme qui est originaire du village de Pachanta, je l'ai évoqué ce nom tout à l'heure, au pied de Lausangate, et il est monolingue en quechua. Et il fut un leader paysan reconnu de cette époque, un dirigeant audacieux qui a organisé une célébration du 1er mai sur la Plaza de Armas de Cusco, qui a pris la parole à cette occasion, mais aussi un homme courageux qui était contraint de fuir les milices des latifondiers en se cachant pendant des semaines dans les grottes qui abondent dans le massif de la Sangate. Mais c'était aussi un chaman, Pampa Misayuk, c'est-à-dire c'est l'un des degrés les plus élevés de la hiérarchie des chamans dans cette région, et qui avait donc pour mission aussi de faire l'intermédiaire avec les Tilikuna, avec les êtres de la terre avoisinant son village. Et malgré l'alliance qu'il avait tissée par nécessité avec les militants révolutionnaires péruviens, son objectif n'était pas de faire advenir le communisme ou une société sans classe. Son objectif, c'était de récupérer la terre de son aïlou, en grande partie monopolisée par un propriétaire d'hacienda. Et par aïlou, Mariano Turpo entendait bien plus que son groupe de filiation. C'est quelque chose que j'ai dit au tout début du cours, en soulignant que les noms que l'on donne à des unités sociales, ordinairement, et en particulier au terme d'aïlou, qui sont vus comme ne contenant que des humains, en réalité contiennent beaucoup plus que des humains. Comme le dit un autre informateur de Marisol de la Cadena, je le cite, « L'aïlou n'est pas le territoire où vit un groupe de gens, c'est l'espace où vit toute la communauté des êtres, les humains, les plantes, les animaux, les rivières, la pluie, tous sont apparentés comme une famille. Cet endroit n'est pas d'où nous sommes, c'est qui nous sommes. » Or, pour Mariano Turpo, la terre occupée par l'hacienda, contre laquelle il luttait, était l'aïlou depuis le temps des Incas. Et en tolérant que l'hacienda se substitue à l'aïlou, Mariano et ses compagnons étaient d'une certaine façon la cause de ce que l'apu Ausangate, la divinité, les ait abandonnés. Et pour mener à nouveau une existence pleine et digne, il fallait donc affronter le latifondière. Et bien qu'elle ait pu prendre l'apparence, l'allure d'une classique expropriation des moyens de production, notamment aux yeux des militants révolutionnaires, le succès de la lutte contre la Siena fut bien plus que cela, l'exercice d'une justice cosmopolitique bénéficiant à tous les humains et non-humains du collectif. Ce genre d'événement et les formes de cosmopolitique que nous avons examinées cette année, depuis le roi sacré Chiluk jusqu'au système des Seques à Cusco, exigent une redéfinition de la politique qui donne à ces assemblages d'humains et de non-humains et aux conflits qui les traversent une expression qui ne leur est pas vraiment encore reconnue, en dehors des genres de manifestations que je viens d'évoquer et de quelques cercles savants. Comme l'a bien montré Jacques Rancière dans son maître livre « La mésentente », la politique moderne a exigé, pour se déployer, bien plus que des divisions entre humains, donnant lieu à des affrontements ou à des débats. Elle s'est fondée en réalité sur une partition du sensible entre l'humanité et la nature qui caractérise l'ère moderne, ou ce qui revient en même, ce que j'ai appelé, moi, le naturalisme. Cette partition fut, pendant longtemps, organisée de façon hiérarchique entre ceux qui ont plus d'humanité et moins de nature, les Européens, les hommes, les adultes, les lettrés, les possédants, et ceux qui ont moins d'humanité parce qu'ils ont plus de nature, les sauvages, les enfants, les femmes, les fous, les travailleurs, étant entendu, évidemment, que les premiers devaient avoir une prééminence politique sur les seconds. Mais cette répartition, elle a eu aussi pour effet que les mondes qui ne se conforment pas à cette division hiérarchique parce qu'ils ne sont pas organisés autour d'une distinction entre l'humanité et la nature, eh bien ces mondes n'existent pas. Ils n'existent pas sur le plan politique, du moins. Et pourtant, une autre conception de la politique est possible. C'est celle précisément dont Rancière se fait l'avocat lorsqu'il écrit, je le cite, « La politique n'est pas faite de rapports de pouvoir, elle est faite de rapports de monde. » Ce qu'il entend par là, d'une part, c'est que les rapports de pouvoir existent partout et dans toutes les sphères de la vie, de sorte que l'on voit mal pourquoi l'expression de ces rapports relèverait de la seule politique. Mais c'est aussi qu'un sujet politique, ce n'est pas un groupe qui prend conscience soudain de lui-même, qui se donne une voix, qui impose son poids dans la société, c'est un opérateur qui joint et disjoint les régions, les identités, les fonctions, les capacités existant dans la configuration d'une expérience donnée. En ce sens, n'importe quel opérateur, humain ou non humain, est capable de devenir un sujet politique s'il parvient à mettre ensemble des choses qui n'étaient pas, au départ, liées par des connexions intrinsèques, notamment parce qu'elles ressortissent en apparence à des régimes ontologiques différents. Lao Sangaté est un sujet politique parce qu'il connecte des humains, des champs de pommes de terre et des troupeaux. Le roi sacré Mundang est un sujet politique, non pas parce qu'il exerce un maigre pouvoir sur ces sujets, mais parce qu'il connecte la fertilité de la terre et l'autonomie des clans. La tour de l'église de Chipaya est un sujet politique parce qu'elle connecte, une fois l'an, deux moitiés autrement séparées avec l'ensemble des conditions qui rendent leur cohabitation possible. Et donc, en ces temps où l'idée même de politique s'est affadie, pour ne plus désigner que des techniques de gestion des humains, l'exemple des collectifs que nous avons examinés cette année nous rappelle que d'autres formes de composition des mondes sont possibles, qu'il ne tient qu'à nous de prendre en compte, afin de créer les cosmopolitiques nouvelles que le moment présent exige avec urgence. C'était les cours du Collège de France. Vous venez d'écouter le 29 mars 2017 Philippe Descola, les usages de la terre cosmopolitique de la territorialité, aujourd'hui les Andins face aux changements contemporains. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens, les vidéos et les informations autour de cette diffusion ainsi que l'ensemble des cours de Philippe Descola. Vous le retrouverez à la mi-octobre pour le grand colloque du Collège de France, Les Natures en question, colloque qu'il dirige. Philippe Descola a notamment publié « Par de la nature et culture » en 2005 chez Gallimard et plus récemment « L'écologie des autres, l'anthropologie et la question de la nature » aux éditions Quae en 2016. Un grand merci à Annelie Signoret de la Bibliothèque de Radio France, réalisation Anne Sécheret, présentation Meryl Moneghetti. Lundi, on reste chez les non-modernes pour une nouvelle série avec l'assyriologue Dominique Charpin, Lire et écrire en Mésopotamie à l'époque paléo-babylonienne, la correspondance. Et dans quelques instants, nous retrouvons les petits matins. Belle journée à l'écoute de France Culture.